19-17, observation, le temps qui passe. Le passé composé. Robert a invité Mireille. Ça m'a plu. Elle nous a montré des reproductions. Ils ont traversé le jardin. J'ai fait du français. Vous avez continué ? Ils sont arrivés à la causerie. Ils se sont assis à la terrasse. Ces phrases se réfèrent au passé. Les verbes sont au passé. Mais ces verbes, à inviter, à plu, etc., ne sont pas des imparfaits. Ce sont des passés composés. Notez que ces verbes sont composés de deux mots, un auxiliaire et un participe passé. Notez que « a », « on », « est » et « avait » sont des formes de « avoir » au présent de l'indicatif, et que « sont » est une forme de « être » au présent de l'indicatif. En conclusion, le passé composé est formé d'un auxiliaire, avoir ou être au présent de l'indicatif, et du participe passé du verbe, inviter, plus, montrer, etc.